Onani, onani na yo ye. Okei, okei na yo ye. Salia, salia mama. Les jours de notre mariage. Les jours de notre mariage. En tout cas, mama, tout sera là. En tout cas, mama, tout sera là.